Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le nouveau rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Alors, conditions sanitaires obligent, nous avons adapté le format de l'émission, faute de pouvoir recevoir un invité professionnel. Donc, aujourd'hui, de nombreuses rubriques sur l'actualité économique et plus précisément sur le concept de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, avec toujours fidèles au poste Francine et Isabelle. Alors bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme. Alors bienvenue pour cette nouvelle émission L'Instant Éco et merci de rester fidèle à Radio Fadjet. Alors, commençons tout de suite par l'instant explication, l'occasion de revenir sur un concept économique largement diffusé donc à la télévision, la radio ou la presse écrite, le concept de RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises ou responsabilité sociétale des entreprises. Avec cette information récente, l'éviction d'Emmanuel Faber, l'ex-PDG du géant français de l'agroalimentaire Danone, sous la pression d'actionnaires hostiles. L'occasion donc de revenir sur le parcours hors norme de ce patron qui voulait s'écarter de la logique purement financière d'une société et entrer justement dans une logique RSE, responsabilité sociale et environnementale. Alors avant d'aller plus loin, petit décryptage, que recouvre cette notion RSE ? L'occasion pour Francine de nous expliquer ce concept. Eh bien, ce concept de responsabilité sociale et environnementale fait référence à une performance globale et non purement économique d'une entreprise. Par performance globale, il faut entendre une performance qui peut intégrer trois dimensions. Alors, tout d'abord, une dimension économique, avec cet objectif de réaliser des bénéfices afin d'assurer la pérennité à long terme de la société. Puis, une dimension sociale, afin de tenir compte des aspirations des salariés en leur proposant par exemple des formations, un équilibre de vie privée, vie professionnelle. Cette approche sociale vise également à tenir compte des relations avec les fournisseurs en leur garantissant par exemple une rémunération décente. Et enfin, une dimension environnementale avec cet objectif de produire tout en préservant la planète grâce à une maîtrise des dépenses énergétiques et des actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors merci donc Francine pour cette définition. Alors attaqué sur son bilan, le PDG était ces dernières semaines la cible de plusieurs investisseurs, dont le troisième actionnaire de Danone, l'américain Artisan Partners, qui critiquait justement la stratégie menée par le groupe. Alors comment le moine soldat, comme il était parfois surnommé en interne, en est-il arrivé là ? Eh bien c'est l'occasion de revenir sur quelques dates clés d'un dirigeant atypique, six ans après avoir pris les commandes de Danone. En effet, en septembre 2014, il est nommé à la direction générale de Danone. Après 60 ans d'existence, Danone ne sera plus donc dirigé par un membre de la famille Ribou. En effet, au terme d'un règne de près de 20 ans, Franck Ribou a décidé de céder la direction opérationnelle et cherchait justement un successeur capable de ranimer la double vision sociale et économique de son père Antoine. La nomination d'Emmanuel Faber était alors pertinente. Juin 2016, devant un parterre d'étudiants de son ancienne école HEC, Emmanuel Faber livre un discours dont je vous propose d'écouter un extrait. L'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Les riches, nous, les privilégiés, nous pourrons monter des murs de plus en plus haut, comme l'Arabie Saoudite le fait en ce moment, comme les États-Unis l'ont fait avec le Mexique, comme on est en train de le faire autour de l'Europe. Mais rien n'arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous. Il n'y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale. Ça ne tient pas. Vous l'avez constaté, donc un discours aussi marquant qu'inattendu de la part d'un patron du CAC 40 avec cette phrase clé « Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie ». Juillet 2016, c'est le rachat de White Wave, le roi américain du bio et des produits d'origine végétale pour 12,5 milliards de dollars, la plus grosse acquisition du groupe en 10 ans. Et en juin 2020, Danone devient une entreprise à mission. C'est la dernière grande victoire d'Emmanuel Faber lorsque l'été dernier, en pleine crise de Covid, sa proposition de doter Danone d'une raison d'être est publicitée à 99% des actionnaires. Une première pour un groupe coté de taille mondiale. Alors justement Isabelle, peux-tu nous définir un petit peu ce qu'il faut entendre par entreprise à mission ? Bien sûr. Alors, la qualité d'une société à mission a été introduite par la loi PACTE en 2019. Donc, c'est très récent. Et permet aux entreprises de mettre leur activité au service d'une mission sociale ou environnementale. L'objectif est de mettre le capitalisme au service de l'intérêt général. L'entreprise doit définir sa raison d'être. C'est complexe. De nombreuses sociétés s'intéressent à cette qualité de société à mission. La Maif, la Camif, la Poste, Carrefour ou la SNCF, dont la raison d'être aujourd'hui est d'apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Les principaux avantages de devenir une société à mission sont notamment de donner du sens aux activités de l'entreprise en fédérant les équipes autour d'une ambition commune. Équipe, c'est-à-dire les actionnaires, salariés, partenaires. Mais c'est également d'améliorer l'image de marque. Toutes les entreprises commerciales peuvent devenir des sociétés à mission, quelle que soit leur forme juridique. Elles doivent inclure dans leur statut les éléments suivants, la raison d'être et les objectifs sociaux et environnementaux qu'elles se fixent. Choisir d'inscrire dans ses statuts une mission n'est pas un argument marketing. C'est contraignant. À cause de la modification des statuts, l'ajout de cette qualité au registre du commerce et des sociétés, le RCS, est également un double contrôle en interne par un comité de mission et en externe par un organisme tiers indépendant. Merci donc Isabelle pour cette précision. Alors à peine 6 mois plus tard, c'est la douche froide. La crise du Covid a bouleversé la donne. Déçue par les résultats du groupe, une partie croissante des actionnaires commence à montrer son mécontentement, notamment vers le cours de bourse qui dévisse dangereusement. Alors plombée par la fermeture de la restauration, la division eau souffre particulièrement et le groupe ne peut pas, comme son rival Nestlé, se retourner vers une activité café ou nourriture pour animaux domestiques pour rebondir. Et Emmanuel Faber, lui, fait son mea culpa. Alors il dévoile un plan de réorganisation censé dégager 1 milliard d'économies d'euros d'ici 2023 et qui prévoit notamment 2000 suppressions d'emplois parmi les managers de Danone sur un total de 100 000 salariés. Le tollé est total, du gouvernement aux réseaux sociaux en passant même par le patronat d'ordinaire silencieux. Et solidaire, le PDG est rattrapé par ses professions de foi, ses engagements, ses leçons d'humanisme. Et le 15 mars dernier, le conseil d'administration remercie Emmanuel Faber. Tout a été bien vite pour ce patron qui voulait insuffler une nouvelle gouvernance et qui se voit rattrapé par la crise sanitaire. Un triste bilan et un retour en arrière bien regrettable. Cet événement pose alors la question, un groupe coté en bourse peut-il adopter ce nouveau statut d'entreprise par mission? Dans la réalité, ce sont surtout les PME qui optent pour ce statut, car l'emprise des actionnaires est beaucoup moindre. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Première pause musicale avant de continuer notre dossier RSE à travers la présentation d'une entreprise locale. Alors, c'est Francine qui nous propose son premier choix musical. Alors, premier choix musical, j'ai donc choisi de vous présenter, de vous proposer un morceau de U2, donc Sunday Bloody Sunday. Alors, pourquoi j'ai choisi ce morceau? Bah, c'est la nostalgie des concerts, tout simplement. J'ai eu l'occasion de les voir à Dublin et effectivement, ce morceau-là, mais on sentait vraiment que la foule était complètement émue et prise par ce morceau qui est quand même assez qui a une origine avec les problèmes au niveau de l'Irlande du Nord. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Eh bien, retrouvons tout de suite Francine, ton coup de cœur, donc cette chanson de U2. Close my eyes and make it go away. Voilà, c'était le coup de cœur, effectivement, de Francine. C'était donc le groupe U2. Vous êtes bien sur Radio Fadjet avec l'émission L'Instant Éco, dont l'objectif est de vous faire découvrir l'actualité économique. Et ce mois-ci, nous avons décidé de parler de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et justement, Francine, nous allons revenir sur une entreprise locale. Alors, le mois dernier, Francine, tu nous as parlé de la société Dao Devi, qui fabrique des jeans à base de lin, fabriqués avec des tissus tissés à moins de 3 heures de Nancy, donc qui s'inscrit parfaitement dans la logique RSE, et bonne nouvelle pour cette société car elle a été primée. Alors en effet Jérôme, Dao Devi a remporté le Mercure d'Or 2020 dans la catégorie innovation commerciale, concours qui date de 1974 organisé par les chambres françaises de commerce et d'industrie, donc les CCI, et le ministère des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, récompensant les commerçants qui excellent en matière d'innovation commerciale, de qualité, d'apprentissage, de formation, d'expansion économique, d'e-commerce, etc. Et donc, c'est une belle récompense pour Dao Devi. Alors justement, nous retrouvons très prochainement dans nos studios donc le directeur de Dao Devi, donc restez fidèles à l'antenne de Radio Fadjet. Alors donc, dans quelques instants, Francine, tu vas nous présenter donc une autre entreprise qui s'inscrit dans la logique RSE. Ah oui, en effet, cette entreprise est située à Lain, petite commune au sud de Toul. Elle s'appelle De Laine en Rêve. Et le nom de l'entreprise colle parfaitement à son activité puisqu'elle transforme la laine fournie par les éleveurs de moutons locaux pour fabriquer des produits de literie, matelas, couettes, oreillers. Alors Isabelle, si je te dis que cette entreprise, c'est une EBE, c'est-à-dire une entreprise à but d'emploi, ça te dit quelque chose ? Effectivement, je connais bien. Donc, c'est une entreprise de forme juridique classique et qui est issue de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Alors, son but, redonner du travail à des chômeurs de longue durée en créant des emplois utiles à la vie économique et sociale d'un territoire. Le tout sans surcoût pour la collectivité. Personne n'est inemployable et il ne coûte pas plus cher de réintégrer des chômeurs de longue durée au monde du travail, à la société, que de financer leur privation d'emploi, donc leur exclusion sociale. L'État finance l'expérimentation via un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, en attendant la montée du chiffre d'affaires de l'EBE, c'est-à-dire l'entreprise à but d'emploi. Alors justement, De Laine en Rêve s'inscrit dans le cadre d'un projet national appelé Territoire zéro chômeur de longue durée. L'objectif principal des structures qui adhèrent à ce projet est de trouver un emploi à toutes les personnes qui en sont privées, mais en respectant quand même certaines règles. Alors, première règle, elle ne doit embaucher que des personnes au chômage depuis plus d'un an. Ensuite, deuxième règle, c'est de créer des activités utiles et inexistantes sur le secteur, c'est-à-dire qui ne risquent pas de détruire de l'emploi ailleurs. Et enfin, dernière règle, c'est d'encourager la valorisation du travail des producteurs locaux. Alors, superbe initiative, hein, non, mais d'où vient au départ cette idée, Francine ? Alors, c'est en fait la communauté de communes des pays de Colombey et du Sud-Toulois qui a engagé en 2016 une réflexion autour des attaques de loups qui affectaient les éleveurs ovins. Et donc, les éleveurs en ont profité pour évoquer leurs difficultés à valoriser leur laine. Il faut savoir que la vente ne leur permettait même plus de couvrir les coûts de la tonte. La laine est achetée environ 40 centimes d'euros le kilo et part à 90% vers les pays d'Asie. Donc, la communauté de communes a décidé de monter un projet pour valoriser la laine locale. À cela, il faut aussi ajouter que le tissu utilisé provient des Vosges où, comme tout le monde le sait, le savoir-faire en matière de textile n'est plus à démontrer. Et la gestion et la prise de décision dans l'entreprise, comment ça s'organise ? Ce sont à la base 13 éleveurs qui ont décidé de se regrouper pour créer une SCIC, ce qui veut dire Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Alors la particularité de cette structure, c'est que les parts de l'entreprise sont détenues à la fois par la collectivité territoriale, les salariés et les éleveurs. Tous se réunissent entre 3 à 5 fois par an pour prendre les décisions importantes ensemble. À la tête, le gérant a de l'expérience et dans le domaine, puisqu'il a été tondeur de moutons pendant 3 décennies. Et donc, pour ce qui est du nombre d'emplois créés, l'entreprise a 3 agents de production, une personne pour le secrétariat et l'administratif et une autre pour le commercial. Alors Francine, le matelas en laine, on a l'impression quand même d'assister à un retour en arrière. Hein. Ce sont nos arrière-grands-parents hein, qui avaient ça dans leur lit. Il existe maintenant tellement de matériaux innovants qu'il a dû sûrement fallu une bonne argumentation commerciale pour faire acheter ce produit. Ben Jérôme, elle est très simple l'argumentation commerciale, car la laine présente le gros avantage d'être thermorégulatrice. C'est un isolant naturel. En plus, c'est un matériau renouvelable et recyclable à l'infini. Et on peut ajouter évidemment le fait que la production est entièrement locale. Seul le lavage est effectué en Belgique, mais l'entreprise étudie actuellement la possibilité d'assurer elle-même le lavage afin de maîtriser toute la chaîne de production. C'est donc un bel exemple de projet à la fois écologique, environnemental, territorial et social. Eh bien, merci Francine pour cette belle aventure entrepreneuriale et j'espère qu'un prochain jour, nous recevrons dans nos studios le PDG donc, effectivement, de cette société, donc Laine en rêve. Alors, pour continuer notre dossier RSE, moi j'ai un chiffre qui m'a interpellé récemment, à savoir que la France a dû augmenter de 22% ses importations d'électricité en provenance d'Allemagne l'an dernier, et en raison de la baisse de la production du nucléaire. En effet, l'arrêt des réacteurs de Fessenheim nous a fait consommer de l'électricité carbonée allemande, c'est-à-dire produite à partir de centrales à charbon. Triste paradoxe pour la France, qui est pourtant le meilleur élève européen en matière d'émissions de CO2. En effet, la France est en train de sortir totalement du charbon pour la production d'électricité. Le meilleur élève d'Europe en matière de production d'électricité décarbonée, grâce bien sûr au nucléaire, la France s'apprête à fermer ses dernières centrales à charbon. La centrale à charbon d'EDF au Havre s'est en effet arrêtée le 10 mars dernier. Quant aux 2 centrales à charbon qui restent encore en activité, leur fin est proche. L'une d'elles en Moselle doit fermer au début de l'année prochaine et a déjà commencé à licencier son personnel. L'autre, en Loire-Atlantique, devrait tenir jusqu'au démarrage de l'EPR à Flamanville, si tout va bien, en 2023. Donc si la France sort donc du charbon, c'est loin d'être le cas de nos voisins européens, et en particulier de l'Allemagne, où le charbon représente encore un tiers de la production d'électricité, le record étant en Pologne, où près de 80% de l'électricité provient des centrales à charbon. Alors les Allemands ont l'intention de sortir du charbon, mais pas avant 2038. En fait, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire en 2022 et d'augmenter la part de renouvelables, mais tout en maintenant des centrales à charbon qui tournent à plein régime. Or, il n'y a rien de pire que le charbon pour le climat. Alors l'Allemagne est bien mal placée pour nous donner des leçons d'écologie, d'autant que la France poursuit sa politique d'économie d'énergie en matière de logement avec une nouvelle réglementation énergétique, RE 2020, et un nouveau DPE, dont on va parler dans quelques instants avec donc Francine. Mais avant, on va retrouver la deuxième pause musicale et c'est au tour d'Isabelle de nous faire part de son coup de cœur musical. Alors, il s'agit de Don't Leave Me This Way, les Communards, avec Jimmy Somerville. Alors pourquoi ? C'est toute ma jeunesse. Et bon, franchement, j'aimerais bien danser un peu plus en ce moment et les boîtes de nuit me manquent. Donc n'hésitez pas à vous lever et à danser. Voilà, très, très bien. Donc il y aura de l'ambiance sur le plateau pendant la pause. On va faire ça. Allez, alors, tout de suite, et vous voici tout de suite, donc Jimmy Somerville. Don't c'était Jimmy Somerville, le coup de cœur d'Isabelle. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est l'instant économie. Et on va retrouver tout de suite la chronique donc maintenant de Francine qui va nous parler du DPE, le nouveau diagnostic de performance énergétique qui va rentrer en vigueur à partir du 1er juillet 2021. Alors peux-tu nous en dire un peu plus, Francine ? Alors en effet, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé que le nouveau diagnostic de performance énergétique, le DPE, sera plus lisible, plus fiable et plus protecteur de l'environnement. Alors, petit rappel, le diagnostic de performance énergétique est un diagnostic que tout bailleur et vendeur est tenu de produire depuis 2006 lorsqu'il vend ou loue son logement, avec une classification des logements avec une étiquette de A à G, G évidemment concernant les logements les plus énergivores. Il sera donc plus lisible parce que le document va être totalement relooké. Il apportera aussi davantage d'informations comme par exemple la répartition des déperditions thermiques au sein du logement. Le DPE sera également plus fiable puisqu'il reposera uniquement sur l'analyse des caractéristiques du logement, bâti, qualité de l'isolation, type de fenêtre, système de chauffage, et plus comme c'était encore parfois le cas sur les factures de consommation d'énergie. Cela permettra de gommer des anomalies concernant par exemple les logements énergivores, mais bien noté qu'à occuper seulement une partie de l'année et présentant des factures réduites. Enfin, le DPE sera plus protecteur de l'environnement parce qu'il ne prendra plus uniquement en compte la consommation d'énergie primaire de l'appartement ou de la maison, mais aussi leurs émissions de CO2. Reste maintenant aux quelques 8000 diagnostiqueurs immobiliers de France à mettre en musique cette réforme. Cela va également forcer les diagnostiqueurs à être très cohérents et impartiaux dans leur DPE. Alors pourquoi, Francine ? Parce que c'est vrai que ces diagnostiqueurs étaient parfois critiqués. Ben oui, parce que désormais le DPE sera opposable. Autrement dit, si l'acheteur ou le locataire a un doute sur la fiabilité du DPE présenté, il pourra refaire un diagnostic. Et si le nouveau DPE affiche des résultats très différents, l'acquéreur ou le locataire pourra se retourner contre le vendeur ou le propriétaire et ainsi obtenir une compensation. Ce dernier pourra faire de même vis-à-vis du diagnostiqueur. Ainsi, un diagnostiqueur prendra garde à ne pas se laisser influencer dans sa prise de décision, car s'il met une mauvaise étiquette, il prend un risque légal. Enfin, c'est aussi en fonction du DPE qu'un logement sera ou non classé parmi les passoires thermiques, étiquette F ou G, interdite à la location à partir de 2028 et même dès 2023 pour les logements les plus énergivores classés G. Cela va donner tout son sens à la valeur verte des logements. Le DPE proposera d'ailleurs des scénarios de travaux à entreprendre pour améliorer leur notation. Voilà donc des candidats à l'accession ou à la location mieux protégés car mieux informés. Une bonne nouvelle. Eh oui, mais j'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement dans un prochain numéro de l'Instant Éco parce qu'il y a aussi une nouvelle réglementation énergétique prévue très prochainement. On va donc terminer maintenant dans quelques instants avec les conseils pratiques d'Isabelle. Alors, donc, dans cette logique RSE, il faut favoriser le commerce local et donc se détourner plutôt d'une pratique qui connaît un certain engouement ces dernières années, le dropshipping. Alors, peux-tu nous en dire plus, Isabelle ? Eh oui, Jérôme, Internet réserve toujours des surprises. Et je voudrais attirer votre attention sur des méthodes de vente étonnantes, à savoir le dropshipping. Alors, le dropshipping, qu'est-ce que c'est ? Cela consiste à vendre très cher des produits de piètre qualité achetés notamment sur le site chinois AliExpress. En effet, AliExpress, le géant chinois du commerce en ligne, s'est fait un nom en vendant à bas prix des produits à l'international. De quoi alimenter le juteux business du dropshipping. Cette pratique commerciale consiste à vendre sans posséder de stock. Concrètement, le client passe la commande sur le site internet du e-commerçant. Ce dernier va se fournir directement auprès d'un grossiste qui va lui-même assurer la livraison du produit au client. Ainsi, vous l'avez bien compris, la livraison est assurée par le fournisseur et non par le vendeur. Et le dropshipper n'est qu'un simple intermédiaire entre le client et le grossiste. Cette pratique commerciale est loin d'être nouvelle. Toutefois, elle connaît un essor considérable sur Internet, notamment grâce aux réseaux sociaux. De nombreuses boutiques en ligne sollicitent les influenceurs sur Instagram, Facebook, sur YouTube pour faire l'éloge de leurs produits auprès de leurs fans en échange de rémunération. Ainsi, des montres qualité suisse sont affichées en promotion à 15 euros au lieu de 70 euros. Un produit pourtant disponible sur Amazon pour seulement 7 centimes d'euros et sur AliExpress pour à peine plus d'un euro. Alors Isabelle, je crois qu'effectivement cette pratique est quand même assez dangereuse et donc il faut éviter effectivement de se lancer à la fois en tant qu'opérateur mais aussi éviter d'y avoir recours hein, parce qu'effectivement quand un prix ne vaut pas cher, c'est qu'il y a certainement... Il faut se méfier il y a de l'arnaque. Et n'oubliez pas qu'il y a un contrat qui lie l'acquéreur au vendeur et non pas au fournisseur. Donc, il est engagé. Voilà, bon, merci donc Isabelle pour cette précision. Mais le temps passe très très vite, hein. L'émission donc arrive à son terme. J'espère qu'effectivement vous avez pu apprécier nos différentes chroniques sur la responsabilité sociale et environnementale. Bien, Isabelle et Francine, on se retrouve le mois prochain. Oui, tout à fait. À bientôt, Jérôme. Allez, donc restez fidèles à Radio Fadjet. C'était donc l'instant économie. Rendez-vous donc le mois prochain. Thank you.